Oui, on Salut. Est là. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ça n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Aujourd'hui, dans Ça ira mieux demain, nous allons parler dans quelques instants d'une petite pépite française. Ça s'appelle Aspergirl. Alors, vous allez dire que c'est une thématique que j'aime bien, parce que ce n'est pas la première fois que je vous fais des petits sujets sur cette maladie qui, de plus en plus, transparaît dans les séries. Et donc, Aspergirl, c'est une petite série française, une petite pépite sur OCS qui va vous divertir. On en parle dans quelques instants. Dans le palais, nous reviendrons sur Citadel parce que nous avons fait nos devoirs de vacances. Manon et moi avons regardé hier soir les deux premiers épisodes de Citadel, une série qui est une des plus chères d'Amazon Prime, la deuxième série la plus chère après celle sur The Last of Us. Non. Les dragons. Non, l'autre. Les anneaux du pouvoir. Les anneaux du pouvoir. Ouais. Voilà, merci messieurs, dames. Et... En plus, c'est des séries que je regarde pas. Voilà. Je regarde pas les séries, mais j'écoute. Ça ira mieux demain. C'est bien. Et voilà. Et donc, elle est chère. Elle est apparemment pas mal décriée par les critiques. On est quand même assez nombreux à avoir regardé les deux premiers épisodes. La question qu'on pouvait se poser avec Manon hier soir, c'est est-ce que les gens vont revenir après ? Exactement. À suivre, on fera un petit fil rouge sur Citadel. En attendant, on commence par un Français. Francis Cabrel revient. En plus, il écoute l'émission. Lui. Et il écoute l'émission parce qu'il a dit « on arrive demain ». Il aurait presque pu faire « ça ira mieux demain », mais il n'a pas osé. Il avait peur du copyright, puis il y avait aussi Annie Cordy. Enfin, elle ne pouvait plus lui dire grand-chose, mais voilà, il revient. Il a voulu éviter nos vannes. Voilà. Et il revient dans un style plus Cabrel des années 80. Il nous a fait J'ai cru qu'il allait revenir avec un truc pop, dance. Non, mais c'est toujours du Cabrel, mais il nous avait fait un peu... jazzy, un peu, voilà, c'était moins, enfin voilà, j'appréciais un petit peu moins. Là, ça pourrait faire un grand retour de Francis Cabrel. Voici, on arrive demain, c'est la bande originale d'un film. Oh oui, dis donc. Et puis tout à l'heure, vous aurez la bande originale d'une série, si on a le temps, parce que The Weeknd va sortir sa série The Idol dans quelques semaines, c'est début juin, et il a déjà fait la bande originale qui s'appelle Double Fantasy. C'est la bande originale de la série The Idol avec The Weeknd, c'est pour tout à l'heure. Est-ce que je peux faire hashtag ma vie ? Vas-y. Il y a une semaine, hein, pas plus. Je me disais, mais ça fait longtemps que Francis Cabrel n'est pas sorti de son bois, derrière son tas de bois, et pour nous proposer une nouvelle chanson, entre guillemets. Et ben là, voilà. Bang ! Le voici. Astafor, hein, il est sorti c'est Astafor où il est, hein, je sais pas, si à mon avis, c'est comme Charlie Ingalls, il a son tas de bois, sa hache, et puis il coupe du bois entre deux albums. Voilà, il a tout, hein, il a tout son, toutes ses productions, tout ça, son studio là-bas, dans sa bonne ville d'Astafor. Et donc, il en a sorti ce nouveau titre. Voilà, et on donc, arrive demain. Il arrive demain. Voilà. Nos visages disent, nos paysages, nos yeux plissés de toujours regarder loin. Après la poussière, après les herbes sauvages, après ces rivières devenues des chemins. L'air sec contre nos lèvres, un bâton, quatre chèvres, et voilà d'où l'on vient. On est vide dedans, comme des fantômes. On est sale dehors, comme des épouvantails. Pour que nos enfants un jour deviennent des hommes. On est venu entasser comme du bétail. Vous n'avez rien à craindre, on ne vient pas pour se plaindre. C'est tout sauf un détail. Ouvrez, oh, ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin. Ouvrez, oh, rien n'empêche la misère de traverser la terre. On arrive. On a marché au sol, lueur de la lune, traversé des mers, longé des ravins. Y a bien quelque part un brin de bonne fortune, comme c'est marqué dans les lignes de nos mains. On se dit que peut-être ailleurs, un jour renaître, il suffirait d'un rien. Ouvrez, oh, ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin. Ouvrez, oh, rien n'empêche la misère de traverser la terre, on arrive demain. Demain. Alors on ne sait pas, il arrive tout doucement, hein. Mais voilà, c'est le nouveau Francis Cabrel. Positif, positive attitude. C'est bien. Oh, c'est bien. Hein? C'est bien. Voilà. Des mauvaises langues disaient aux antennes que c'est un peu toujours pareil. Hein. Bon. Oh, alors qui? Qu'on présente la personne. Oui. Alors là, c'est... La personne ne manque pas d'air. Non, franchement. Alors là, franchement, parce que là, regarde, on a de la guitare. Oui, hein, une guitare. On a une mélodie. Voilà, voilà. Deux, trois accords. Deux, trois accords, et puis, puis voilà. Dire que c'est comme la fois précédente, c'est quand même poussé. Bah, il faut les mettre dans un autre, ordre. Et puis oui. Faire da da da. Ah bah oui, da, puis il faut chanter. Hein. Mmh, voilà. Oui. Non, non, on aime beaucoup Francis Cabrel, sinon on ne vous l'aurait pas proposé. Bon, il a investi dans une batterie, non? Dans un synthé? Non, c'est pas possible. Non, mais c'est mieux pour la tournée acoustique, c'est bien. Ah bah là il est au top. Là. Non, non, allez, sans rire, si vous êtes fan de Francis Cabrel, vous aurez apprécié ces minutes sympathiques. Allez. Comme nous. Asperger Manon. Girl. Manon. Ouais. Eh. Fan de youtubeur, apprécie Francis Cabrel. Oui, Mister V. Mister V, il écoute est fan de Francis Cabrel, tu le savais pas. Oui. Allez, Asperger. Asperger, donc, c'est une série française qui ne demande qu'à être connue. C'est parti. Ça ira mieux demain. L'émission. L'actrice et humoriste Nicole Ferroni incarne dans Asperger une mère de famille autiste. Une nouvelle série touchante, tendre et drôle, créée par Judith Godineau et Adrien Cousin, que l'on peut suivre sur OCS. Voilà donc une nouvelle façon d'aborder l'autisme après d'autres séries étrangères, comme notamment Good Doctor ou Atypical. Louison, la trentaine, partage la garde de son fils Guilhem avec son ancien compagnon Reza. À la rentrée du jeune garçon au collège, un camarade un peu trop familier trouble ses habitudes sécurisantes. Troublé et frustré, Guilhem perd le contrôle et le blesse. Un bilan psychologique suit l'accident et les résultats tombent. Le garçon pourrait bien être autiste. Et Louison aussi. Une révélation perturbante pour l'un, libératrice pour l'autre, qui semble expliquer bien des choses. Et alors qu'une enquête sociale débute pour examiner la famille, la mère fera tout pour paraître la plus normale possible et ainsi ne pas être séparée de son fils. Je t'aime, ma puce. Je t'aime, mon enfant. J'ai de fortes suspicions d'un trouble du spectre de l'autisme niveau 1 pour Guilhem. Ah, mais ça se soigne ? Non, parce que c'est pas une maladie. Ok, on aurait dit. Les autistes vont avoir du mal à comprendre les différents codes sociaux. Arthur Lemonial, enquêteur social, on a rendez-vous à 11h. Il est 10h53. C'est des personnes souvent hypersensibles qui vont avoir du mal à lire les émotions sur un visage. Moi aussi, peut-être, je suis. Oui. Très probablement. Je veux pas être autiste. Tout le monde me traite de taré maintenant. Je dois m'assurer que Guilhem ait un cadre adapté. Donc je dois rencontrer toutes les personnes de son entourage et faire une recommandation sur où il doit vivre. Vous voulez dire que Guilhem va plus vivre avec moi ? Louison et moi, on est prêts. On peut tout à fait s'occuper de notre fils. Vous êtes ensemble ? Oh, oui. Enfin, j'arrive pas à comprendre Guilhem. Guilhem serait plus à sa place dans un établissement adapté. Dégage, Kikassos. J'ai perdu mes amis, mon école et papa à cause de toi. Si je reste avec toi, on va perdre la garde de Guilhem tous les deux. Vous voulez toujours que nous, on s'adapte. Mais peut-être que si Guilhem, il est différent, c'est parce qu'il est exceptionnel. Et je suis exceptionnelle. Le but avec les neurotypiques, c'est pas de se faire comprendre, c'est de se faire aimer. Louison, c'est la seule qui peut élever Guilhem, vous le savez. On n'a pas à avoir honte. On n'a pas à se cacher. Même si on est une famille atypique, on est une famille quand même. Pour parler des femmes autistes, dérivée du terme Asperger. Si cette dernière dénomination n'est aujourd'hui plus officiellement utilisée et même rejetée par la communauté autiste, elle est encore souvent comprise du grand public. Dérivée du nom du pédiatre autrichien Hans Asperger, qui avait étudié les caractéristiques psychologiques de personnages vivants avec cette variation dans le fonctionnement du système cérébral. Elle désigne une certaine catégorie de personnes autistes, souvent incomprises et socialement dénigrées à cause de leur difficulté à décoder les expressions faciales et vocales de la population neuronormative. Une ignorance de la majorité que Asperger essaie de combattre à sa façon. Car les représentations de personnes autistes sur le grand et le petit écran restent généralement très anecdotiques, sauf quand on s'en sert comme le faisait Sean Murphy dans The Good Doctor. Avec au premier plan une mère et son fils autistes, la série Asperger réussit ce que beaucoup avaient bâclé bien avant elle. Mettre en lumière et humaniser une communauté. Et si la série joue la carte de l'humour pour présenter leurs différences et les tentatives d'adaptation avec le monde qui les entoure, ce n'est jamais par moquerie. Curieux, le public rit avec les personnages et s'attendrit devant une douce représentation de la vie d'une famille atypique et terriblement attachante. Française Nicole Ferroni, elle-même non autiste, donne tout son cœur dans cette charmante et touchante performance d'une femme qui découvre sur le tard sa différence. Une histoire loin d'être isolée, les femmes souvent diagnostiquées plus tard que les hommes. Karel Braun enfile le costume de Guilhem, le jeune fils, un rôle qui avait ébloui le jury du dernier festival Sérimania 2023, d'où il repart avec le prix du meilleur acteur dans une série francophone. Entre leurs deux personnages, l'alchimie est palpable et ensemble, ils traversent un monde qui peine à les comprendre dans 10 épisodes à savourer pour un mélange des genres agréable et coloré. Olivia Merialti a composé la musique originale pour la série donc de Judith Godinot et d'Adrien Cousin. I've had for us. dévorer sans tarder sur OCS. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la série Aspergirl que je vous conseille. Et Laurent, remarquez la belle musique. Ça, c'est de la musique. C'est sûr que c'est pas Francis Cabrel qui a composé la musique, mais c'est de la musique touche. Spécialement composée pour la série. Ah ouais. Et ça, c'est bien. Oh punaise. Ouais, c'est du bon son. C'est effectivement du bon son. Et c'est français, donc si vous avez l'opportunité, et en plus, c'est très drôle. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une famille, en fait. C'est la mère et c'est la mère qui découvre aussi, après son fils, qu'elle l'est aussi, mais d'une autre manière. Et c'est assez... C'est cette dualité, ce beau duo, finalement, eh bien, renforce un peu cette histoire et qui est très, très drôle. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Une série dont on ne parle pas assez et donc que je voulais mettre en lumière. Alors, celle-là... Bienvenue au palais, non ? Allons, bienvenue au palais. C'était pour une... Bienvenue au palais. Alors c'est là, on l'a pas vu venir, mais par contre depuis, on en a entendu parler. Ah oui, parler, on en parle. On l'avait pas dans celle que vous savez tous les ans au début d'année en janvier. Je vous fais les séries de l'année. Oui, alors... pourtant on a eu 4-5 émissions sur les séries de l'année. Bon, 4-5, n'exagère pas. Oh, regardez-moi ça, j'ai fait 2 émissions. Ça a failli en faire 3, mais j'ai bouffé, donc... Voilà. Et donc, on vous en a présenté certaines dont on n'a toujours pas parlé, hein, et qui n'est toujours pas arrivée. Oui. Hein, celle qui a un peu de science-fiction, qui a un nom à rallonge. Et voilà. Et celle-là, on ne l'a pas vu arriver. Et pourtant, un jour, Laurent nous a sorti une bande-annonce. Et là, on s'est dit, waouh. Eh oui. Et donc, après 2 épisodes, est-ce que c'est toujours waouh ? Ah, voilà comment dire. Alors, elle est annoncée comme la 2e série la plus populaire de l'histoire de Prime Video, mais pourtant elle est beaucoup beaucoup critiquée, papa. Ouais, exactement. Effectivement, les critiques la descendent après l'avoir vue. Alors c'est super. Tout le monde a vanté la bande-annonce qui était effectivement digne d'un James Bond. Ah, même toi, tu me l'as vanté. Hein, Et tu l'as adopté. Oui. Et c'est vrai que on avait l'impression de voir renaître James Bond, un duo voilà fantastique. Alors l'histoire, ça parle de Citadel. C'est une agence d'espionnage internationale et indépendante. Elle était chargée de maintenir la sûreté et la sécurité de tous. Et il y a 8 ans de cela, elle a été détruite par des agents du Manticore, un puissant syndicat tirant les ficelles dans l'ombre. Après la chute de Citadel, les agents d'élite Mason Khan et Nadia Sin ont vu leurs souvenirs effacés alors qu'ils s'échappaient de justesse. Voilà, qui s'échappait, on va dire oui, il y a eu une énorme explosion du train et tout. Et puis voilà, on les retrouve 8 ans plus tard dans de nouvelles identités en ignorant leur passé jusqu'une nuit où effectivement on viendra les rechercher pour partir dans faire de nouvelles aventures. Alors c'est vrai, sur le papier, ça pouvait être très très alléchant. La critique descend en flamme parce que tout le monde s'attendait à du James Bond et avec le 2e plus grand budget des séries, on s'attendait à vraiment à ce que ça éclabousse et que ça se voit partout sur l'écran. Alors effectivement, il y a des scènes exceptionnelles de démarrage. Bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau scénario, c'est un fait un peu réchauffé et on ne s'improvise pas scénariste à la James Bond comme ça, et c'est vrai que ça pêche un petit peu. Toutefois, à la fin des 2 épisodes que nous avons regardés hier soir avec Manon, on était quand même... J'étais pas déçu, moi, on n'était pas si déçu que ça. On a été happé par l'histoire. Alors, c'est vrai, ce qui est bien dans cette série-là, c'est que vous pouvez faire ça, vous pouvez la regarder en faisant autre chose. Voilà, il n'y a pas besoin d'une concentration extrême. Si vous absentez quelques secondes, voilà, ou si vous arrivez à suivre. Hein, c'est pas alors, donc, certaines séries. Ça veut dire que c'est en deçà de The Night Agent, parce que voilà. The Night Agent, tu rates une seule seconde, c'est comme 24 heures chrono, t'es planté. C'est ce The Night Agent, c'est quand même voilà. mieux quand même. Hein. C'est ce que j'allais te dire, on nous avait vendu quoi, encore mieux que Night Agent, là c'est faux, on est quand même en dessous, on est dans un... j'ai bien aimé un peu le rapprochement que tu me disais hier. Monsieur et Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Jones. Ouais. Smith. Oui. Mr. V. Smith. Oh là là. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas de la moquerie. C'est des bons rappels. Mr. and Mrs. Smith. Oui, c'est ça. Non, parce c'est... que je l'ai regardé. Enfin, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, le film-là. Et j'ai vraiment trouvé que ça se ressemblait un petit peu. C'est un couple, effectivement. Alors, est-ce qu'on est au niveau. Et là, il y a de la romance aussi. Hein, dans est-ce qu'on est au niveau du film ou c'est quand même en dessous du film? C'est alors, un peu autre chose. Ouais, c'est pas la même chose. Bon, là, on a vu que deux épisodes, donc là, je pense qu'après, on va aller un peu encore. Faut voir comment ça finit, hein. J'ai hâte de voir. Hein, parce que là. Oui, alors. Il y a combien d'épisodes? 8 6, je crois, hein, il me semble. Alors, c'est, ils ont eu deux épisodes, la première salve, donc la semaine dernière. Et là, nous allons avoir un épisode par semaine, jusqu'à. Non, je crois que c'est 6, hein, il me semble. Bah, je retrouve pas. Ça doit être 6 épisodes, hein. En ce moment, c'est soit 6 ou 8. Oui, voilà, ouais, c'est pas beaucoup plus. Ouais. Et donc, voilà, c'est 6 épisodes, c'est bien ce que j'ai vu. 6 épisodes, c'est pas très long, hein, c'est du 45 minutes. Donc, voilà. Ah, classique, quoi. Classique. Voilà, c'est à regarder, mais voilà. C'est pas la série. Mais par contre, par rapport aux critiques, comme j'étais vachement étonnée. Là, franchement, c'était quand même une bonne surprise. Enfin. Après avoir lu les critiques, oui. Mais c'est pas la série du siècle. Oui, voilà. Oui, d'accord. Ça, mais ça regarde, est-ce vraiment utile de regarder les avis de tout le monde? Déjà, moi, les émissions où les protagonistes se retrouvent dans les toilettes pour donner leur avis, j'en ai rien à carrer. Donc là, est-ce que le plus simple, c'est pas d'accéder à la série et puis chacun se fait son avis? Oui, voilà, chacun fait son avis. Mais voilà, il faut pas se mettre des. Vous voyez, il faut la regarder divertir. Il faut pas se mettre de niveau. Voilà, on va voir quelque chose d'exceptionnel. Voilà. C'est moi, plaisant. Ça fait 2-3 samedis que je regarde The Night Agent et vous me l'aviez vendu comme le nouveau 24 heures chrono. Je me suis dit, oh là, moi 24 heures chrono, c'est un certain niveau comme Dallas, donc on va y aller pianissimo. Et j'ai regardé ça sans me dire, voilà, 24, je suis rentré dans la série, je me suis laissé porter. Alors maintenant, après 3-4 épisodes, je peux le dire, c'est pas encore 24 heures chrono pour moi. Hein. Oui, c'est dans le style. On est dans. C'est dans le style. Voilà. Il y a de l'action. Voilà. Mais par contre, il y a de l'action. Et comme dans 24 heures chrono, quand ça ralentit, on est là, on se dit, bon, ça va péter de quel côté. Et à un moment donné, ça redémarre de plus belle. Et voilà, The Night Agent, c'est excellentissime. Voilà. Ah, donc, oui, et puis, c'est le traitement, enfin, le scénario, la manière dont on aborde les choses. Il y a quelque chose d'innovant dans The Night Agent qu'on ne retrouve absolument pas dans Citadel. Voilà, c'est tout. Mais ça reste. Voilà, on n'a pas trop de séries un peu d'espionnage à la James Bond. Ça n'existe pas vraiment. Donc il y avait de la place pour ça. Est-ce que pour autant, rappelez-vous quand on a parlé de cette série-là, elle est prévue aussi pour en faire plein de. Ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. Voilà, ça doit faire plein de ramifications. De là à ramifier, je dirais attention, hein, faut voir. Si le point de départ est faiblard au niveau scénario, les ramifications risquent d'être des petites racines aériennes. Hein. Alors, plusieurs saisons, pourquoi pas, 6 épisodes, ça va passer vite, 6 fois 40 minutes, on peut peut-être étirer ça sur plusieurs saisons, il y a de quoi peut-être de la matière. De là à en faire 50 000 agents qui vont fleurir un peu partout de la citadelle, wait, attention, il y a du pognon. Sachant aussi que pour la petite anecdote, c'est une série qui a été très très très chère. Mais pourquoi elle a été très très chère? Parce qu'elle a coûté beaucoup d'argent, parce que plein de gens sont partis en cours de route. Il a fallu redonner de l'argent pour pouvoir finir. Et là, dans quelques instants, tu vas me dire qu'en fait, il y a pas mal de scénaristes qui se sont barrés et ils ont recruté les scénaristes de The Mandalorian. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ceci explique cela. On dit que c'est la série la plus chère. Effectivement, il y a de l'action et de choses comme ça. Mais, j'ai l'impression que dès qu'il y a une nouvelle série qui sort, elle est plus chère. Hein. Alors, je ne suis pas spécialiste du fond vert, mais apparemment, on a facilement usé du fond vert un peu trop souvent, et ça se voit à l'écran. Alors, là, il faudrait au niveau du fond vert qui se voit à l'écran. Est-ce que vous avez regardé, je ne sais pas si c'est samedi dernier ou le samedi d'avant, un épisode de NCIS Enquête Spéciale quand un véhicule explose dans la rue? Non. Absolument pas. Alors, quand on regarde NCIS Enquête Spéciale, certes, ce n'est pas une série de plateforme, ce n'est pas une série qui coûte énormément cher, ce n'est pas la série la plus chère, mais c'est quand même NCIS Enquête Spéciale, donc on a quand même un certain standing. C'est quand même une série qui a cartonné, alors certes, avec Mark Hamon qui soutenait le navire, là, aux États-Unis comme en France, l'audience fléchit face à l'acteur qui a quitté les plateaux, mais ça reste quand même NCIS Enquête Spéciale. Et quand on voit l'effet spécial de la voiture qui explose, on se dit, non mais là, les mecs, c'est vraiment pas possible, quoi. Alors, on vous demande pas de faire venir les experts de Star Wars, de Disney, pour faire l'explosion du véhicule, mais prenez du temps. Là, on n'y croit pas une seule seconde. Hein, Alors, je ne sais pas si c'est un peu comme ça, mais on n'a pas eu vraiment cette impression-là. Mais non, apparemment, des spécialistes ont dit « Ouais, ouais, ils auraient pu... » Il faudrait s'y pencher plus. Ils auraient pu être un peu plus légers en fond vert. Mais il a dû falloir effectivement trouver de l'argent et réduire un peu le budget. Donc, ils ont utilisé un peu trop de fond vert. Les spécialistes pourront effectivement nous le confirmer, ou l'infirmer. En tout cas, aujourd'hui, ce vendredi, puisque ça sort le vendredi, le troisième épisode doit être paru. Merci. On a largement débordé, mais on va quand même se quitter en écoutant. La semaine dernière, j'ai débordé de 10 minutes. Oui, hein. oui, j'ai vu. Moi, j'en ai profité, mais j'étais pas là. Donc, c'est la fête à Neneu. C'est aussi la fête à Neneu récemment. The Weeknd, on va bientôt en parler de cette série. Ah, bah oui, on est bientôt au week-end là. The Idol, c'est la série de The Weeknd. On va voir The Weeknd en série. D'ailleurs, avec. Il joue avec qui? Avec la fille. Un acteur? Non, la fille. Il joue avec une fille très connue. C'est pas la fille de Vanessa. Une Rose? Oui, je crois que c'est. Rose Depp, je sais pas quoi. Oui, Rosie Depp. Ah, Rosie Depp. Oui, voilà, la fille de Johnny Vanessa Depp. Paradis. Et vous avez vu. Également. Merci de nous aider. Et donc, voilà. Alors, une série un peu chaude, il paraît. Hein. Donc. On vous regardera ça, on vous en parlera. Quand on voit ses clips à lui, c'est pas la petite maison à la prairie, hein, les clips de The Weeknd. Hein, ouais, donc là, s'il a fait sa série, ça risque d'être salé. En attendant, voici donc la bande originale de cette série. Ça s'appelle Double Fantasy. Et on se quitte là-dessus. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end, justement, avec The Weeknd. Et moi, je vous retrouve dans moins de 30 minutes maintenant pour le Hot 40. Ça va être chaud. Ah oui, c'est très chaud le Hot 40. Ça va être brûlant. Ah, j'ai chaud. N'importe quoi. do the things when we know what's wrong. All in my skin, you all in my palm. I sent your envelope, came with a poem. You possess venom that came with a charm. You get the good out of me when I perform. I know the bad in you, that's what I want. And you a baddie, you turning me on. Fiend for your demons, I know where it's going. Love when you fucking be talking, I know what you're doing. Call up in love, what the fuck is we doing? Bottles and bottles with us, ain't that good? I tell you, I got you, that's well understood. Your legs on the big, got your head on the floor. We go out shopping whenever we get bored. We get the pop and leave none in the store. If I go to Saturn, I know that you're born. Fuck me on Saturday, early in the morning. Fight in the bird, she gon' open her door. Screaming out murder, but showing you remorse. Gotta be cautious, can't play the support. Stars in the ceiling, don't feel like the Porsche. Came from the trenches, just living on war. Once was a prostitute, I can afford the one I adore. Temperature rising, bodies united. Now that I've trapped you in my arms. No need to fight it, no need to hide it. Now that I've seen what's in your heart.